M. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et il y en a même qui militent dans la rue avec tract et banderole. Il y en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Il y en a 8 heures par jour qui... Ok, je redémarre à 1. Parce que là, du coup, t'es pas au bon. 32, 40, 50. Il faut. Il y en a qui élèvent des gosses au fond des HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Il y en a même qui militent dans la rue avec tract et banderole. Il y en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Moi, je mettrais 64 déjà. Parce que si tu veux mettre une intro.